Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Comme je l'annonçais alors dans mon émission d'hier soir et un petit peu plus tôt dans la journée sur la page Facebook, et oui, on fait une deuxième émission avec les Gilets jaunes comme c'était prévu. Par contre, ce qui était un petit peu moins prévu, c'est que, contrairement à la dernière fois, ils sont trois fois moins nombreux. Et oui, on a fait l'émission à 9 la dernière fois, c'était la semaine dernière. Et cette fois, on est à 3. Il y a avec moi Tiff, Adrien et Thomas. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors voilà, on s'était dit quand même que ça pourrait être pertinent de faire un acte 2, on va dire, de l'émission avec les Gilets jaunes. Un deuxième et dernier acte, mais ça on en parlera vendredi, avec dans l'heure des loups. Et pour prendre un petit peu la température, savoir comment s'est passé la manifestation, l'acte 5 si je me trompe pas. Il y a eu des actualités parce que votre cabane a cramé. Et puis forcément, après l'émission, il y a eu une ou deux petites réactions sur Facebook. Donc comme il y a des questions qui ont été posées, autant que je vous les pose et vous apporterez des réponses. Alors, est-ce que vous êtes partant? Oui, c'est parti. Nickel. J'en profite aussi pour dire aux auditeurs que n'hésitez pas à tout instant à réagir via notre page Facebook Radio Guémozo ou à appeler au 03 29 62 40 40. La ligne est ouverte pour vous. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on avait Tiff et on avait Adrien à l'antenne. Thomas, c'est une première dans l'heure des loups. Bienvenue. Oui, merci. On avait vu dans l'émission aussi que le mouvement des Gilets jaunes, contrairement à ce qu'il semble être dépeint dans les médias, on va dire dans les grands médias, c'est pas un mouvement où il y a que des chômeurs qui ont rien d'autre à faire que de manifester. Il y a des gens qui travaillent, et d'ailleurs c'est le cas de la majorité d'entre vous, et toutes sortes de profils, hein. Il y a des en CDI, il y a des intérimaires, il y a d'autres professions aussi, de la fonction publique aussi, avec l'institutrice qu'on a eue la dernière fois. Une éducatrice, elle était pionne dans un collège, mais elle n'a pas le statut de fonctionnaire, mais elle est considérée comme fonctionnaire. Ah oui, différents statuts aussi, parce qu'après tout, c'est vrai que les statuts d'occupation d'emploi sont très compliqués, très divers et variés. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'en mêler les pinceaux. Alors, je me souviens que, Tiff, toi, je sais plus ce que tu fais, mais je sais que tu travailles, si je me trompe pas. Je suis au chômage, mais j'ai... Raté. Comment dire ? Je suis porteur de projet, j'en avais déjà parlé dans l'émission précédente, un projet d'agroécologie. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Agroécologie, c'est vrai, un sacré projet pour lequel tu pourras peut-être revenir dans nos locaux faire une émission quand ouais, le projet se sera beaucoup plus étoffé. Adrien, si je me trompe pas, toi, t'es au chômage. Je suis au chômage, mais en création d'exploitation agricole. Ah bah là aussi, quelqu'un porteur de projet. Et toi, Thomas, qu'en est-il de ta situation actuelle? Moi, je suis préparateur de commandes en intérim à Cleury, à Éloi. Ah super, le GAEC de Cleury. Non, pas tout à fait, c'est pas le GAEC de Cleury. Non, c'est l'entreprise Cleury. Ça et loin, on est dans les produits frais. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Donc, encore une fois, on a différents types de profils. On a quelqu'un qui est en situation de salariat. On a deux personnes en situation de recherche d'emploi, mais en projet. Hein, vous attendez pas les bras ballants, que les choses se fassent. Et forcément, ce qui était aussi bien à savoir, c'est comment se sont passées les dernières manifestations. J'ai la mémoire très courte. Hein, je sais plus de quand date exactement l'émission. C'était le 11, oui, c'est vrai. Le 11. En effet. Et je suis revenu le 13 pour 2 heures. Ah oui, c'est vrai, pour des badéos, comment ça s'était passé? Super bien passé. On était 8. Oui. Et ça s'est super bien passé. En comptant les animateurs ou seulement les gilets jaunes? Les gilets jaunes. Ah oui, gilets jaunes, avec Gaël qui devait être en studio invité. C'est ça. Julien en animation, c'est et ça. PJ qui était par téléphone, ça c'est devait ça. Faire un sacré bazar. Exactement. Ça a dû faire aussi une émission très conviviale. Mais bon, si vous êtes de retour, c'est que vous n'avez pas traité tous les sujets. J'ai pas pu écouter l'émission dans son intégralité parce que 2 heures, voilà, c'est un sacré pavé. Mais c'était court quand même, on n'a pas pu tout traiter. Ah, ça passe très vite, hein. Une émission, ça passe très très vite. Bah, j'ai déjà perdu presque 5 minutes, presque 6 minutes en fait. Et pourtant, il faut charbonner, quoique maintenant qu'on est à 4 dans le studio, à peu près 4, on aura un petit peu plus le temps d'aller plus en profondeur. Et voilà, comme on a déjà posé les premières bases de du mouvement des Gilets jaunes, on va, oui, voilà, pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, comment s'est passé l'acte 5, si je me trompe pas? Ou non, l'acte 5. Alors, l'acte 5, déjà ici, dans les Vosges, comment ça s'est passé? Pas trop bien, entre guillemets. On a été délogés jeudi. Donc, le vendredi, on s'est retrouvé au milieu du rond-point, sans cabane, sans rien. Donc, on a fait on a reconstruit une cabane au rond-point, mais dans un terrain privé. Ouais. Et il y a eu une manifestation à Épinal, non, à Bugnéville, Sainte-Marie-aux-Mines et je ne sais plus. C'est ça, il y a eu une opération péage gratuit, voilà. Au niveau du tunnel pour aller à Célestat. Oui, comme il disait, Monsieur Castaner disait qu'il faut quitter les ronds-points, donc il nous invite pas, il nous pousse vraiment en dehors des ronds-points, d'où aussi l'incendie de la cabane. Donc ça, c'était pour dire qu'on avait notre destin en main et qu'on se laisse pas intimider, on lâche rien. Surtout que la cabane, on l'avait construite, on voulait pas l'avoir détruite si facilement. Oui, parce que c'est vous qui l'avez brûlée, la cabane. C'est exact. Voilà. C'était juste pour dire, on est là et vous êtes venus, mais il faudra faire venir les pompiers. Donc en plus, ça a fait déplacer beaucoup de monde et ça a bloqué la circulation en même temps. Donc on en a fait une pierre de coup, quoi. Une sacrée pierre de coup. D'ailleurs, je vois qu'on a déjà une réaction sur Facebook. Quelqu'un qui nous dit, un certain Benjamin Laurent, qui a réagi à une autre émission avec un autre jeune, Christopher Durand, jeune auteur de son premier livre « Histoire de mon esprit », un recueil de 7 nouvelles qu'il a fait en auto-édition. Comme ça, voilà, c'est la petite promo pour Christopher Durand. Et ce Benjamin nous dit « Bravo à la radio pour inviter des Gilets jaunes une nouvelle fois. J'écoutais déjà la semaine dernière, je trouve ça important de leur donner la parole, en tout cas bravo à eux, et garder la motivation, les efforts payent toujours. » Oh, on garde la motivation, on fera Noël sur le rond-point, Nouvel An sur le rond-point, on ne lâchera pas, même s'il faut y aller jusqu'en juillet, on mettra une piscine sur le rond-point. Ça fait partie des choses que je comptais demander, est-ce qu'il est prévu ou pas, au sein du mouvement des Gilets jaunes de Saint-Étienne-lès-Mirmont, une trêve pour les fêtes de fin d'année, non. Ou pas? Aucune trêve. Pas du tout. On ne lâche rien, on est débattants et... le jour qu'on lâchera, c'est le jour où on aura gagné. Oui. Après, je pense aussi que naturellement, les personnes vont quand même s'occuper des fêtes, mais ceux qui ont un peu de temps et qui sont disponibles un maximum vont venir. On est toujours de retour. Il y a toujours notre petite cabane. On a toujours des actions. On se structure doucement. Donc. Mais sûrement. Donc voilà, c'est. Je pense que c'est juste on entre dans un autre temps. Il y a eu beaucoup d'actualités la semaine dernière autour de l'acte 5 et autres. Et non, on commence vraiment à se structurer, à s'organiser. Mais on fait face toujours à une répression dure, quoi. Je dirais, on est juste sur les ronds-points. On a ralenti les blocages. On en faisait pas tant qu'au début du mouvement. Oui. On se structurait. On faisait des réunions autour de cette cabane et on nous l'a détruite alors que on faisait rien de mal et donc on cherche vraiment aussi à nous pousser à la confrontation, j'ai l'impression, et à nous frustrer même. On a juste une cabane en palette au bord d'un rond-point, il fait très froid, il pleut régulièrement, on n'est pas dans les meilleures conditions et pourtant on nous enlève même ça, quoi. Donc Donc on mute, on s'adapte. De toute façon, tant que ça changera pas fondamentalement, le problème restera. Il y a beaucoup de choses qui changent en apparence. On fait du bricolage, mais il y a un problème de fond, c'est que les citoyens n'ont plus voix au chapitre en ce qui concerne leur destin. Et tant que ça changera pas, il y aura toujours des gilets jaunes de toutes formes différentes. De toute façon, il y a un problème de fond, et s'il n'est pas solutionné, vous aurez toujours des gens qui lâcheront rien parce que ils demandent plus à survivre, mais au moins à vivre dignement. En fait, ils essayent de faire du rafistolage sur des fondations pourries, donc en fait, ça tiendra pas longtemps, quoi. Vous parlez des propositions que le gouvernement a fait assez récemment. Je crois que c'était le 10. Si je vous ai reçu le 11, ça devait être le 10, quelque chose comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. De toute façon, vous étiez déjà pas très content de la réponse que Emmanuel Macron, le président, avait apportée. Vous, de toute façon, vous êtes là pour tenir le cap. Mais c'est vrai que tu as parlé actualité récente. Je me pose une question. Est-ce que l'attentat qu'il y a eu récemment à Strasbourg, je crois la semaine dernière, j'en profite d'ailleurs pour dire que l'équipe de Radio Guémozo envoie toutes ses pensées aux familles des personnes touchées. Est-ce que cet attentat récent a impacté un petit peu la manière dont les manifestations ont été encadrées par les forces de l'ordre? Je pense que oui, forcément, on est humain. Psychologiquement, c'est un choc de savoir que des personnes ont été des personnes innocentes qui étaient juste au marché de Noël se font abattre dans la rue. Donc oui, forcément, il y a eu quand même une onde de choc. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de théories diverses et variées sur Internet. Comme je disais, de toute façon, tout ça c'est comment dire. C'est pas la question du combat social, du rapport qu'il y a entre les puissants et ceux qui sont opprimés entre guillemets. Là, c'est vraiment une question plus sociétale par rapport à l'intégration des immigrés, etc. C'est une question plus large pour moi. Je pense vraiment qu'il faut différencier ça du combat qu'on mène et qu'on est avec les familles, parce que c'est traumatisant comme nouvelle. Donc je pense que tout le monde a été choqué. C'est peut-être pour ça aussi que les gens sont pas trop sortis, etc. Je les comprends, mais il faut personnellement, moi je garde le cap. Je pense que il y a pas de lien et qu'on devrait pas faire de lien entre ces deux choses. C'est deux problèmes complètement différents. Ah oui, c'est vrai, j'ai coupé mon micro. J'en profite pour dire, les choses ont un petit peu bougé dans le studio. On a deux nouveaux gilets jaunes qui sont arrivés. Yann et Mathias du Cadrien est venu me dire en aparté qui vous étiez. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, on vient juste d'être prévenus, donc on est venu vraiment sans rien préparer. Hein, donc, désolé, on est un petit peu essoufflé. Bah, bonsoir. Oui, voilà. Comment ça va, Yann, depuis la semaine dernière? D'accord, oui, c'est vrai. Ça va mieux, ça va bien, toi? Oui, on est un petit peu là, on en fait vite, donc on a couru un peu, mais ça va. Oui, Mathieu, c'est ça? Mathias, excuse-moi, Mathias, comme ça je le note sur mon cahier. Comment ça va? C'est une première dans l'heure des loups. Ça va très bien. Il faut me dire, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. La dernière fois, le ton était au tutoiement, alors ça dérange pas qu'on se tutoie? Non, du tout. Yes, comme ça, on est convivial. C'est important à Radio Guémozo. On est un média convivial. N'hésitez pas d'ailleurs, comme je le disais, à réagir via la page Facebook Radio Guémozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Tiff, tu disais comment ça s'est passé les pour résumer, je disais bien sûr que ça impacte le mouvement, parce que ça impacte chaque être humain de savoir qu'il y a des horreurs qui se produisent juste à côté de chez nous. Hein, Strasbourg, c'est pas loin des Vosges. Hein. Oui, c'est à côté. Donc humainement, c'est normal que les gens soient impactés. Après, je pense qu'il faut vraiment qu'on garde en tête qu'on doit se battre pour une meilleure répartition des richesses et une meilleure répartition du pouvoir. Et ça a pas de rapport avec le terrorisme islamique. Non, pas forcément de rapport, en effet. Mais je veux dire le côté gestion sécurité. C'est vrai que Yann et Mathias me regardent un petit peu avec des yeux de merlan frit. On parle un petit peu du lien et de l'impact que l'attentat de Strasbourg a eu sur la gestion des manifestations par les forces de l'ordre ou l'encadrement. Le commandant quand ça s'est passé, quel jour les attentats? C'est la semaine dernière. C'était un mardi. Mardi dernier. Il est venu nous voir et il nous a dit, faut partir de Rond-Point, faut rentrer chez vous, il y a plus de sécurité et tout. Mais on a dit, mais non, c'est pas parce qu'il y a plus de sécurité. On est déjà plus en sécurité de toute manière. Donc ça sert un peu plus ou un peu moins. Je vois aucun obstacle pour qu'on ne pas continuer, quoi. Et quand on voit les attentats de 2015, c'était 2015, ouais, je crois, de Charlie Hebdo, ils nous disaient, sortez de la rue, montrez qu'on n'a pas peur. Et puis là, bizarrement, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est rentrer chez vous, c'est trop dangereux. Donc c'est... La vie continue, quoi. Malheureusement, il y en a qui se sont tués. On pense à eux, on pense aux familles sur Strasbourg et tout. Mmh. J'ai de la famille qui est sur Strasbourg, qui ont vu les attentats et qui ont vu les cadavres. Donc je pense aux familles, aux victimes morales qui ont vécu la scène sans être mortes. Oui, oui. Mais voilà quoi, je pense à tout le monde et je pense que faut aussi continuer pour eux. On est tous dans le même sac et faut essayer de trouver une meilleure solution et une meilleure sécurité en France, je pense. En effet, mais on a parlé aussi de comment ça s'est passé dans les Vosges. Alors là, on va demander aux auditeurs, à mes invités, de lever la main. Qui était à Paris ce week-end? Alors, il y avait Thomas. Il y avait que toi, Thomas? Autour de cette table, apparemment, ouais. Oui. Et comment ça s'est passé à Paris ce week-end? Le climat était déjà par rapport, il y avait un peu moins de monde, si on peut dire, mais il y avait parce que beaucoup d'accès étaient bloqués. Les bus étaient bloqués. On a vu par la suite qu'il y en avait une vingtaine qui n'ont pas pu rentrer. Les trains direction Paris étaient annulés. Donc du coup, forcément, il y a eu un impact au niveau du nombre. Mais il y avait un nombre vraiment très important. On s'est retrouvé aux Champs-Élysées, enfin pour notre groupe. On s'est retrouvé aux Champs-Élysées. D'autres ont rejoint directement Place de l'Opéra. Le matin, ça restait très calme. C'était très pacifiste. Vraiment, plutôt une bonne ambiance malgré, par rapport aux autres actes, certaines tensions par moment. Oui. Mais globalement assez pacifiste. Sur l'après-midi, en revanche, il y a eu quand même plusieurs escarmouches entre les forces de l'ordre et puis les manifestants. Mais dans la globalité, c'était un peu plus calme, je pense. Un petit peu plus calme, enfin, un peu moins répressif. J'ai lu qu'il y avait un nombre assez hallucinant d'inculpations et de gardes à vue. Tu en as fait partie? Oui. Effectivement, on était pris dans un échauffouré avec les policiers. Donc, je crois que ça doit être la BAC qui s'occupe de ça, les casseurs. Donc, avec un but forcément à la base qui est très très loyal, je dirais, enfin très bon, quoi, pour éviter la cache chez les personnes ou chez les commerçants. Cependant, on a été en garde à vue. Leur motif, c'était participation à une manifestation non déclarée. Donc tout ça parce qu'on a un gilet jaune, mais c'est pas parce qu'on a un gilet jaune qu'on fait forcément partie d'une manifestation. Et on avait fait une erreur, c'est qu'on a ramassé les déchets qu'ils lançaient, leurs bombes lacrymogènes. Donc c'est juste du plastique. Il n'y a pas d'amorce, c'est juste des bouts de plastique. Et ils nous ont embarqués pour port d'armes prohibées. En gros, ils nous l'ont fait à l'envers, quoi. Ouais. Et les flics-là nous ont embarqués comme ça. On était plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait ça, voilà, pour les ramener, les montrer aux frères, aux sœurs, aux copains. Et seulement, on a été que deux à être embarqués, alors qu'on était plusieurs à en avoir ramassé. Oui. Dès que le policier nous a dit « Bon, bah vous deux, on vous emmène », on a été embarqués. Et d'autres flics qui ont pris leur relève nous ont clairement dit que c'était des arrestations politiques, mais que c'était pour faire les chiffres, pour faire des interpellations. Et de toute façon, ce que vous avez là, c'est pas un motif d'interpellation. Et ironie de la chose, c'est que quand on est sorti de cette interpellation, après être sorti du commissariat, quand ils nous ont rendu nos affaires, ils nous ont rendu le pourquoi on a été embarqués. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils nous ont redonné la bonbonne de lacrymogène, ils nous ont redonné donc on a refusé parce qu'on n'aimerait pas y retourner une deuxième fois dans la même soirée, ça serait quand même le comble. En effet. Et ça a vraiment été la preuve que c'est juste politique pour faire peur et des coups de pression. Alors toi, tu as seulement été en garde à vue. Je sais qu'il y a aussi, je crois, dès lundi, beaucoup de comment dire, de jugements en comparution immédiate. J'imagine, j'espère que ça n'a pas été ton cas. Non, du moins pas encore. normalement non, comme moi j'y allais très pacifistement. Ils nous ont expliqué que généralement ils faisaient ça aussi, puis après ils regardaient pour tenter d'identifier les potentiels casseurs et ceux qui attaqueraient les forces de l'ordre. Mais non, ce n'est pas mon cas. En revanche, on a pu voir sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux des gens qui mettaient l'image d'une convocation et de la raison de cette convocation. Oui. Il y en a qui mettaient qu'ils devaient aller au tribunal correctionnel pour justement juste la participation à une manifestation non déclarée, alors qu'ils n'étaient pas encore sur Paris, mais sur les routes pour Paris. Et c'est une info ou c'est une intox, ça ? Apparemment, c'est une info qui a été justifiée. Je tenterai de vous envoyer le lien pour que vous puissiez voir vous-même avec et en plaisir. Juger par vos propres yeux. On pourra aussi et encourager les auditeurs à en juger par eux-mêmes. On va peut-être souffler quelques petites minutes. On va s'accorder une première pause musicale. Adrien, tu as proposé les pauses, à commencer par Tagada Jones et le morceau « Mort au con » qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Au charbon, chantait l'art national et prenait la révolution. Et vous êtes de retour sur Radio Gameuse au 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous pouvez réagir à l'émission en discutant avec nous via le téléphone au 03 29 62 40 40 ou via notre page Facebook Radio Gameuse. Toujours avec Thomas, Tiff, Adrien, Yann et Mathias des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je profite de la fin de la pause musicale pour dire qu'on a aussi un nouveau message sur la page Facebook. Alors, c'est un certain Jean-Rémy au Mans, qui nous dit d'ailleurs il est gilet jaune de Neuchâtel si je me trompe pas, oui en effet il est gilet jaune de Neuchâtel, alors il nous dit toujours solidaire avec nos confrères gilets jaunes, on lâche rien, vive les Vosges, spéciale dédicace à Daniel et Michel, ils se reconnaîtront. Merci. Dans tous les cas, comme je le disais, n'hésitez pas à nous contacter. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de transmettre vos petits messages. Juste avant la pause musicale, c'est beaucoup avec Thomas que je discutais pour toi, comment tu as vécu la manifestation à Paris. T'as dit que c'était quand même plus calme, plus pacifiste. Et après, t'as été interpellé pour avoir tenu un réceptacle de bombes lacrymogènes, mais la bombe, elle était désamorcée. C'était purement juste du plastique. C'était un bout de plastique. Limite c'était plus c'était juste un tube en plastique. Les d'autres policiers qu'on a rencontrés ensuite nous ont clairement dit que c'était que on pouvait être interpellé généralement quand il y a l'amorce encore, oui. Ou qui pourrait être dangereux ou être réutilisé, donc ce qui peut être compréhensible à la rigueur, mais que là ouais c'était vraiment un bout de plastique et ce n'était clairement, ils nous l'ont dit, ce n'était pas une raison valable pour faire ce type d'interpellation. De toute manière, ça, vous savez, les projectiles, ça marche comme une cartouche, hein. C'est-à-dire que la charge, elle reste dans la chambre, hein. Donc c'est une détonation, il y a un projectile qui est lancé, il y a rien de. Ah non, c'est une douille en fait. Oui, c'est une cartouche quoi. Oui, c'est une douille. Tout ça, c'est d'un fumage, hein, encore une fois. Ah hein, oui, bien sûr, c'était voilà, juste ça. Hein, c'est comme une cartouche, elle reste dans la chambre, ou c'est automatique, ça dégage direct à côté de l'arme en question. Là, c'était le flashball. C'était un lance lacrymo. Bon, bah, c'est la même chose, la charge. J'ai un ami qui était à Paris. Il est sorti de la voiture et il fait, mince, j'ai oublié mes clopes. Donc, il retourne à sa voiture chercher ses clopes. 10 minutes après, il se fait arrêter parce qu'il avait des lunettes de piscine et un masque pour se protéger contre, les lacrymos et tout. Et je lui fais, on peut plus aller à la piscine maintenant vu comme les lunettes de piscine sont considérées comme une arme, soi-disant, quoi. Donc, il fait, j'ai passé mon samedi en garde à vue, quoi. Pour avoir des lunettes de piscine. Et un masque pour se protéger. C'est pour ça en fait aussi qu'on a pu voir des débordements des réactions un peu exagérées par rapport aux attentats de Strasbourg, parce que les gens se posent quand même la question. Nathalie d'ailleurs le 11 hein, la veille il me semble, ou à 19h le jour même, à 19h, oui. Lors de l'émission, elle posait quand même la question, comment se fait-il que des fichiers comment se fait-il qu'une personne qui a 27 condamnations qui est fiché comme radicalisé, qui peut se fournir en armes et qui arrive à se faufiler dans un marché Noël, pour tuer des gens, alors que des citoyens sans casier judiciaire, sans antécédent judiciaire, sont arrêtés de manière arbitraire, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui réclament que les fichiers S soient arrêtés de manière préventive et qu'on puisse les empêcher de nuire. Et des gens comme vous et moi qui vont manifester pour la première fois, des fois en famille aussi, se font arrêter de manière préventive pour des douilles de lacrymo sans amorce, sans rien, et des lunettes de piscine et des masques à gaz. Donc il y a aussi une certaine exaspération à ce deux poids deux mesures. Je pense que les gens aussi, cet événement aussi. Pousse les gens à demander plus d'encadrement des personnes qui sont fichées comme radicalisées. Hein. Donc surtout avec 27 condamnations quand on a 29 ans, c'est quand même incroyable qu'il ait pu se fournir en armes, oui. Échapper à la police et après avoir échappé à la police, pouvoir rentrer dans un marché de Noël et faire des victimes. Donc c'est aussi cette exaspération là que les gens ont voulu dire, quoi. Oui, un gros déséquilibre dans la gestion des problèmes par les forces de l'ordre aussi, qui bien entendu peut se comprendre. Ça a dû créer un gros débat. On t'a vraiment assuré que c'était pour faire des quotas, le fait que t'étais embarqué pour un malheureux bout de plastique. C'est d'après les policiers qui nous ont repris en charge par la suite pour nous amener au commissariat, qui nous ont dit que voilà, c'était, ils ont des ordres de toute façon et qu'il faut les faire et les respecter, puisqu'après ceux qui trinquent derrière, quoi, d'un côté. Oui, justement, c'est le problème aussi. Les affrontements entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre, hein, quelles qu'elles soient, sont aussi des êtres humains. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord avec ce que le gouvernement dit, propose, fait. Non, bien sûr. On a pu discuter avec beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gendarmes, là où il y avait beaucoup de gendarmes mobiles, on a rencontré beaucoup de gendarmes qui venaient de Lorraine en plus, c'était plutôt, c'est drôle d'être à Paris et de rencontrer des gendarmes d'ici, avec qui on a bien pu discuter. Et ils font une action aussi demain, il me semble, ils ont appelé à des blocages de commissariat. Voilà, eux aussi, ils sont traités comme des gueux aussi, descendants. On les envoie au charbon dans des conditions, c'est difficile, hein, même pour eux, enfin, même si voilà, on est l'un en face de l'autre plus ou moins, mais c'est vrai on est concerné par les mêmes problèmes du quotidien, dans notre vie quotidienne. C'est difficile pour eux de pas pouvoir s'exprimer aussi, donc voilà, on est contents, je pense, qu'ils s'expriment aussi, et nous on est avec eux parce qu'ils sont vraiment dans des conditions, leurs conditions de travail sont difficiles, et nous on aimerait bien aussi qu'ils nous protègent face aux vraies menaces et qu'ils aient vraiment des moyens de qualité et de quantité pour lutter contre les gros problèmes de règlement de compte, enfin beaucoup dans les, enfin c'est pas pour cliver, mais il y a des problèmes quand même qu'on connaît dans les cités où il y a des zones de non-droit, où il y a des trafics d'armes, de drogue, etc. On sait que il n'y a pas les moyens qui sont mis à disposition pour ça, et nous on aimerait bien aussi que ils aient des bonnes conditions de travail pour nous protéger aussi des dangers, quoi. Oui, parce qu'on rappelle que le taux de suicide est quand même très important aussi dans les forces de l'ordre, parce qu'ils sont aussi d'une certaine manière le premier rempart à la colère de la population. Ben, je regardais tout à l'heure aux infos, il y a une dame qui disait sur 20 policiers, il y en a que 15 qui ont des jambières ou des coudières, il y en a 5 qui en ont pas. Voilà quoi, ils ont un manque urgent de matériel, quoi. Ben, on a pu voir à Paris, il y en avait beaucoup qui avaient des vrais masques à gaz qui protégeaient vraiment tout le visage. Il y en avait d'autres, ils étaient comme les manifestants avec juste le petit masque en plastique anti-poussière. Oui. Que ça nous faisait un peu rire, on disait, ah tiens, il y en a qui méritent plus que d'autres apparemment d'être protégés de leurs propres armes, quoi. C'est quand même assez terrible. Et d'ailleurs, oui, tu as dit que la tension est montée, mais pas trop quand même, d'après ce que j'ai compris. C'était plus calme que les dernières fois. Je rappelle que j'avais partagé pour l'émission de la semaine dernière les reportages de Vincent Lapierre. Je crois que c'était pour le troisième acte qu'il a vraiment vécu de l'intérieur. Je sais pas s'il en a fait d'autres, tiens. C'est à regarder, mais c'était toujours très instructif. Mis à part les lacrymogènes, vous avez pris d'autres choses, des flashballs les gros karchers, là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a eu l'utilisation des canons à eau, effectivement. Oui. Il y a eu aussi beaucoup de charges, plus que, enfin, j'avais déjà été à l'acte 4, où il y a eu certaines charges, il y a eu plus de gaz, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y a eu plus de gazage, alors que là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu plus de charges directes. Oui. Il y avait un or, je suppose, de charger un peu plus pour plus vite disperser le mouvement. Encore une fois, oui, j'ai vu plusieurs personnes tomber au sol à cause des tirs de flashball. Personne se l'est pris dans l'arrière du crâne. Oui, parce qu'il existe deux sortes de charges sur le flashball. Oui. Il y a des flashballs, dans les premiers temps, ils ont utilisé des charges très faibles. Et ils utilisent aussi des flashballs aujourd'hui un peu plus chargés dans la cartouche. Ouais, une meilleure puissance. Voilà. Ouais, c'est une balle en caoutchouc, peut-être qu'ils augmentent le poids. On peut parler aussi des blindés qui aura certainement encore samedi. Il faut bien savoir que les bombes lacrymogènes, ils sont hyper concentrés, donc dans les blindés, hein, et que juste un seul jet peut complètement remplir un stade de foot au niveau superficie. Donc il faut bien être conscient de ça aussi. Donc voilà. Oui, c'est vrai, c'est officiel, hein. Il disait qu'il y avait un une arme secrète entre guillemets sur les blindés où il y avait une poudre ou un liquide dissuasif qui pouvait même neutraliser entre guillemets des manifestants, même avec des masques à gaz ou autre. Tout un terrain de foot, c'est un produit hyper concentré qui est un peu la même fonction que la bombe acrymo. Oui. Et ils peuvent évacuer tout un stade de foot. Donc imaginez-vous dans une grande rue avec des murs qui font 25 ou 30 mètres pour certains. C'est un couloir quoi. Donc la fumée se répond et surtout c'est parti. Là encore, et ça c'est dans les blindés, hein. Vous savez, ils ont chargé dans les blindés, ils sont chargés, ils sont prêts quoi. On est vraiment parqués en plus aux Champs-Élysées. Ils ferment vraiment toutes les issues pour personne pouvait sortir. Enfin, on a réussi à sortir et on était filtrés. Et sinon, on est tous parqués, bah encore une fois comme à l'acte 4, totalement et gazés, quand ils voulaient gazer quoi. Du coup, c'est de l'ordre arrivé, ils font. Mais dès le début, dès qu'on est arrivé, on est arrivé sur les champs vers 8h, quelque chose comme ça. Donc il y avait un certain nombre de personnes et on a tous voulu aller donc du coup rejoindre les collègues et les camarades place de l'Opéra. Oui. Et ils nous ont parqués sur le trottoir parce qu'ils avaient laissé la circulation et ils nous ont tous parqués sur le trottoir des Champs-Élysées. C'est resté calme, on est resté là peut-être pendant je dirais 2-3 heures à ne pas pouvoir bouger en avançant peut-être d'une dizaine de mètres toutes les heures et encore. On était de véritables animaux, juste le temps que en fait la police puisse mettre barrer vraiment toutes les entrées, toutes les issues et ensuite on a pu envahir, si on peut dire, les Champs-Élysées. Envahir les Champs-Élysées, c'était le but des Gilets jaunes depuis le début. C'est là d'ailleurs où se trouve le palais. L'Assemblée. Ah voilà, l'Assemblée. C'est pour aller directement... Non, l'Arc de Triomphe. Je sais plus. Ça part de l'Arc de Triomphe, ça va... Peut-être à l'Assemblée, si. Je crois que c'est l'Assemblée, il y a l'Élysée, et ils faisaient attention aussi parce qu'il y avait le consulat des États-Unis qui était proche des Champs-Élysées, donc ils avaient peur pour ça. C'est surtout pour défendre les grands magasins. parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. C'est une réalité. Je vais pas citer les marques, mais voilà. Donc, ils sont aussi pour ça. Pour préserver, si vous voulez, le commerce et l'image de Paris. L'image des Champs-Élysées, plutôt. Oui, parce que les casseurs, les gilets jaunes, si on veut, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Bon, on est fagoté un petit peu avec la fausse information et les orientations médiatiques, les grands médias, audiovisuels. Faut faire très attention avec ça. Faut pas que les gens se croient que les gilets jaunes sont des casseurs. C'est faux parce que j'ai une amie qui a été à Paris, qui a filmé parce qu'elle avait une GoPro et où elle a, avec des amis, ils ont protégé un agent immobilier pour les casseurs. Et à côté, on voit les casseurs. Ils sont jeunes. Mmh. Ils sont tous en capuche, ils ont tous un truc sur la tête, Oui. Ils sont tous en noir et ils ont exposé un magasin de golf pour prendre des clubs de golf à 3, 400, 500, 600 euros, quoi, pour juste taper sur les CRS, juste pour emmerder le monde, quoi. Moi, j'ai eu un témoignage d'un gilet jaune qui a participé aussi à Paris la semaine dernière et il nous a fait part de ça. Qu'il y avait des milices tout en noir, à la limite sous-équipées, pas comme les CRS, avec des casques traditionnels de moto en noir. Ils avaient des lunettes de ski, des matraques, juste la banderole police, donc de la milice. Et il y avait des gens qui avaient des pieds de biche de 1m50 et ils les laissaient passer. Et c'est voilà. Alors avec les barrages filtrants, il y a de quoi se poser des questions quand même. Voilà, c'est très juste ça. Et donc ils chargeaient donc les gilets jaunes qui étaient pacifiques, qui étaient au sol carrément, qui étaient à genoux pour montrer qu'ils étaient pacifiques et même avec les bras levés. C'était sans pitié quoi. Voilà, c'était une boucherie. Une boucherie en effet des forces de l'ordre à bout, je pense, parce qu'il y a la pression des supérieurs qui s'en prennent aussi à des personnes ou mauvaises personnes. On a vu aussi, du moins j'avais vu une vidéo d'une violence incroyable avec des CRS, je crois, qui frappent des gilets jaunes à terre dans un fast-food, je crois. Enfin voilà, il y a vraiment des scènes d'une violence sans nom qu'on peut voir. Bon, ça date un petit peu, ça date, je crois, de l'acte 3, si je

J'accuse de 16, Damien 16, si je me trompe pas. Vous êtes de retour sur Radio Guimouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups, et vous pouvez comme d'habitude réagir en direct. Hein. Alors on est le mercredi 19 décembre, il est 18h45 et 32 secondes très précisément. N'hésitez pas à passer par la page Facebook Radio Guimouzo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. On est toujours avec Thomas, Tiff, Adrien, Yann et Mathias a malheureusement dû quitter nos locaux entre temps, mais bon, on lui fait un gros bisou en espérant que tout aille bien. Et voilà, s'il y a encore deux, trois choses sur lesquelles il était important de revenir. Déjà, je voulais qu'on revienne, et puis bon, c'est un petit peu d'un commun accord, sur les une ou deux petites réactions qu'il y a eu par rapport à l'émission de la semaine dernière, à savoir le 11 décembre. Voilà, les réactions des auditeurs ou peut-être des questions que moi, en tant que conductrice, je me pose, parce qu'il faut pas oublier aussi, je suis animatrice, mais je suis un être humain aussi comme vous et moi, Oui, comme moi, c'est normal. J'étais en train de poser la question. et voilà, des petites questions qui se posent. Comme à commencer, on a eu un gros témoignage d'une personne qui disait qu'elle a été appelée en urgence à l'hôpital parce que son père allait rendre son dernier souffle. Et malheureusement, à cause des blocages au rond-point, elle n'est pas arrivée à temps, elle a pas pu le voir. Adrien, je vois que tu rigoles. Moi, je ne connais pas cette personne, mais bon, mis à part le fait que ce soit très triste pour cette personne... C'est triste, je suis d'accord, mais le jour-là, on n'a pas fait de blocage. On faisait juste du tractage. C'est vrai. Et la personne serait venu nous voir en larmes, tout ça, on lui aurait expliqué, on lui aurait dit, bah écoutez, allez-y. On n'a pas eu d'écho, quand on a fait les réunions, personne nous en a parlé de la personne qui serait venue en pleurs parce que son papa était à l'hôpital. Donc bah toutes nos condoléances à cette personne, on en est désolé si c'est notre faute qu'elle a pas pu être à temps au chevet de son père, mais en aucun cas on a fait des blocages. Alors, comme tu l'as dit, hein, vous n'avez pas fait de blocage ce jour-là, et c'est vrai que les blocages ont beaucoup ralenti, voire cessé, mais c'est vrai qu'il y a une question que je me pose, mais depuis le début du mouvement... Cessé par obligation, parce que le commandant est venu nous voir et nous a dit, si vous bloquez ou faites du filtrant, c'est 135 euros d'amende et je vous embarque. Donc... C'est plutôt dissuasif. C'est dissuasif, sachant qu'on est dans la rue parce qu'on n'a pas les moyens de vivre, donc on va quand même pas payer une amende de 135 euros d'amende pour rien, quoi. Je préfère avoir avec 135 euros, avoir de la moutarde, quoi. Ça se comprend, en effet. Mais c'est vrai que ça pose une certaine question, même si on a quasiment plus. Question que je me pose depuis les débuts. Dans quelle mesure les blocages filtrants qui, comme tu l'as dit, ont quasiment cessé, ont impacté le gouvernement? Enfin, du moins, est-ce que ça réussissait à impacter le gouvernement? En fait, on expliquait aux gens pourquoi on faisait ça. Il y en a qui nous comprenaient, qui disaient qu'on était au syndicat. Il y a une dame qui m'a clairement dit, bah, le matin, moi, je passe par les petites routes. Puis le soir, vu comme j'ai du temps à perdre, bah, je passe par là. Puis voilà, quoi, elle fait pour parler avec vous. Elle fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle fait, ça fait rallier des gens à notre cause parce qu'il y en a qui savaient pas pourquoi on était là. Donc, on expliquait clairement aux gens pourquoi on était là, quelles revendications on avait. Et on parlait comme des gens lambda, et ça a permis aussi une chose, c'est d'avoir de la fraternité et de revoir du contact avec des gens. Et aussi une certaine visibilité dans ce cas, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça aussi, et puis cette idée de blocage, c'était très spontané, c'était au début du mouvement, c'était une manière de... Peut-être l'objectif était un petit peu aussi de paralyser les flux logistiques, on a vu beaucoup d'entrepôts de grands magasins qui étaient bloqués, d'entrepôts de fuel, enfin de pétrole, des raffineries, etc. Donc je pense qu'il y avait, comme disait, c'est Hervé qui disait ça à la première émission, hein, ils sont tous potes de fric, donc quand Total ou Leclerc ou commence à voir son nombre de clients baisser parce que les gens ils sont bloqués, et puis peut-être qu'ils ont plus le temps de passer au supermarché aussi, là ça commence à bouger. Après c'est vrai que malheureusement c'est quand il y a eu un acte fort à Paris avec des images un peu un peu violentes entre guillemets, c'est là qu'il y a eu du mouvement. Donc en effet, peut-être que les blocages sont pas efficaces, mais ça voudrait peut-être dire que malheureusement c'est peut-être les actions fortes qui sont plus efficaces, puisqu'on a eu un recul et un mouvement quand vraiment ça commençait à chauffer dur. Après, il n'y a pas d'appel du tout. C'est juste un constat et c'est un peu triste aussi pour nous parce qu'on est des pacifiques, comme il disait, ils sont venus de manière pacifiste et on cherche pas la confrontation, mais on nous pousse à faire des actions fortes pour être entendus. Donc, oui. La règle qu'on a, c'est si on fait une action, qu'il y a la police qui arrive ou les gendarmes, on leur fait coucou et on part. Tout simplement. Tout simplement. Et on revient 2 heures après. En fait, on joue au jeu du chat et à la souris. Oui. Et faire tourner chat, et leur dire, vous croyez qu'on est là, mais en fait, on n'est pas là. Et voilà, qu'on essaye de se protéger comme on peut au mieux, quoi. Il y a une autre question qui est venue, ou du moins elle est peut-être un petit peu plus personnelle. Parmi les revendications des Gilets jaunes, il y a aussi un certain intérêt pour le climat, pour la planète et l'environnement. Oui. Et c'est vrai que, enfin, du moins, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais les blocages ont peut-être pas été très positif pour l'état actuel de la couche d'ozone et de la planète. tu rigoles, Adrien ? Désolé, parce que je suis d'accord. Ils ont dit on taxe le carburant, mais on taxe pas comment ça s'appelle ? Le kérosène. Oui. Ni pour les gros pétroles qui viennent nous ramener de gauche à droite, le mazout et tout. Et quand il y a un souci, qu'il y a un avion qui s'écrase dans l'océan, il y a du kérosène qui pollue l'océan. Ou quand il y a du mazout qui est dans l'océan, c'est pas de sa faute, il a pas vu. Mais nous, les petits citoyens, on fait la route pas beaucoup. On va jusqu'à Épinal parce que les transports en commun, ça part. Le bus de chez moi, il part à 7h. Et puis... il y en a à midi, mais bon, des fois, on n'a pas fini les rendez-vous, donc on se retrouve jusque bloqué. Voilà, quoi, à un moment ou à un autre, s'il y aurait plus de lignes de bus assez régulièrement, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait moins de gens qui utilisent la voiture, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est aussi, ça fait partie des revendications, plus de transports en commun dans les zones rurales, forcément. C'est ça, beaucoup de petites gares fermes, en effet. Déjà, rien que là, dans la vallée de la Moselle, la gare... Dernièrement, à la Bresse, il n'y a plus de gare. C'est... Ou même jusqu'à Bussan, c'est la voie verte qui a pris la place de l'ancien chemin de fer. En effet, on voit à quel point il y a une forte désertification des transports en commun. Vous avez... Ça ne me gêne pas de prendre le vélo, mais bon, sous la flotte ou sous la neige, désolé, mais bon... Ou pour 30 km, je pense que ça peut aussi être compliqué, embêtant. Quoi. Je pense que vous avez déjà globalement répondu aux questions qui sont nues, du moins les plus importantes à mes yeux. Et il y a une autre chose dont on est venu parler la dernière fois qui a peut-être avancé. Il s'agit du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Yann, qu'en est-il ? C'est déjà, pour communiquer à tous nos auditeurs, c'est la première revendication que nous avons. Avant tout. Alors, tout à l'heure, je pense que vous avez parlé. Permettre de couper 2 secondes. Oui. Je repensais à ça. Ce matin, il y a eu une manifestation à Épinal, devant la préfecture. Oui. Ils étaient peut-être que 25, mais à bloquer toutes les entrées de la préfecture, ils ont réussi à se faire recevoir, pas par le député, par le préfet. Qui était proche du préfet. Un sous-préfet? Oui. Ouais, peut-être, je saurais plus te dire. Un sous-préfet, non, il a scindé, je crois. Le secrétaire, je crois, du préfet, et ils lui ont dit, qu'il voulait le RIC, et il a dit, j'ai bien entendu, et ils lui ont mis quelques revendications dans le nez. Donc, ce sera peut-être un appel à la mobilisation chaque semaine, quand on sait pas, mais je pense aller à la préfecture une fois par semaine pour leur dire « Coucou, on est là, on est toujours là, on sera toujours là ». Un petit piqûre de rappel, quoi. Un petit passage de politesse, comme il se doit. alors moi, je voulais parler du référendum d'initiative citoyenne. Je voulais communiquer à nos auditeurs qu'il y a 4 sortes de RIC. Il y a le révocatoire, il y a le constituant, il y a le législatif et il y a l'abrogatoire. Alors, je vais expliquer. Le révocatoire, il sert à destituer donc un membre du gouvernement ou un responsable politique. Le constituant, donc le référendum constituant, à modifier la Constitution pour changer les règles du pouvoir. Le référendum législatif, il sert à proposer une loi. Le référendum abrogatoire, il sert à annuler une loi. Voilà. Donc, je voulais aussi communiquer à nos auditeurs que si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous arrêter dans les ronds-points, à tous les lieux où il y a des concentrations de gilets jaunes. Ils seront... Ils se feront un plaisir à vous répondre et vous serez bien accueillis, on vous proposera le café, vous serez toujours les bienvenus. Voilà, le but c'est de vraiment passer le message, c'est le référendum d'initiative citoyenne ainsi que les premières revendications d'urgence qu'on a évoquées peut-être tout à l'heure, j'étais pas là. Les produits de première nécessité, la baisse de l'essence, tout ça, tout ce qui est habits, tout ça. Voilà, ça c'est seront des revendications urgentes, mais le but ultime c'est le référendum d'initiative citoyenne à tous les niveaux. J'insiste sur ça, hein, parce que il y en a beaucoup qui font des amalgames sur ce qui s'est passé en 2004, donc la proposition d'un référendum, et qui nous ont quand même, ils nous ont passé dans l'Europe libérale en 2005. Donc il se trouve que la Constitution n'est pas protégée. Ils utilisent un article 12 de la Constitution qui contre, si vous voulez, l'article 3 qui nous donne droit à ce référendum. Voilà, il faut bien comprendre que le but ensuite, une fois ça obtenu, s'organiser, faire des ateliers constituants pour justement porter, protéger et sur le marbre, donc qui est notre constitution, et de réécrire pourquoi pas aussi certaines choses qui seront des choses qui seront décidées par le peuple, en fait, par tout ce qui est, on va dire, le collectif. Démocratiquement vraiment, et parce que les constitutions sont écrites par des riches et pour les riches, et voilà, c'est pour ça que on s'est fait avoir en 2005, en fait, parce que la constitution n'est pas protégée. Le RIC va tout refaire, en fait, par la voix des citoyens français. Oui, je t'en prie, Tiff, excuse-moi. Oui, comme on disait, beaucoup de gens disent que le mouvement s'essouffle, entre guillemets, que l'acte 5 était moins fort, mais on a une grande, grande victoire de l'acte 5, c'est qu'on a commencé à voir ces trois lettres un peu partout. Oui. Et de plus en plus de gilets jaunes le réclament, à juste titre, puisque ça englobe tous les Français. Ce n'est pas une revendication qui concerne que les gilets jaunes, ça va concerner, si on a le droit au RIC, ça va concerner tous les Français. L'ensemble de la population. L'ensemble de la population, donc c'est pour ça qu'on est derrière ça. Après, on fait très attention parce que on a peur que ce soit dévoyé ou vidé de sa substance. C'est-à-dire, on commence à voir un RIC fake, quoi. Oui, c'est ça, un fake RIC. Ils sont en train de le préparer d'ailleurs, mais. Donc on voit sur les plateaux télé, etc., que ça commence à parler de ce sujet, les politiciens, etc. Et on a vraiment la condescendance qu'on a depuis le début des élites, entre guillemets, envers les gens du quotidien, où on a beaucoup de politiciens qui disent qu'on n'est pas assez mature, qu'on n'est pas assez éduqué, qu'on n'est pas assez de pédagogie, qu'il y a trop de fake news, qu'on n'est pas capable de discerner le vrai du faux, et donc qu'il faut nous éduquer, et que ça peut être dangereux de donner un référendum d'initiative citoyenne à la population. Or, je pense que justement, on est en démocratie et ce n'est pas une poignée d'élite intellectuelle, entre guillemets, de décider du destin de tout le monde. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est aux citoyens de reprendre la main sur sa souveraineté et de changer les choses. Comme je disais, la Constitution date de 1958, on est 60 ans après, il est temps d'avoir vraiment du renouveau, pas du renouveau La République en marche où il a absorbé la gauche et la droite plutôt que la remplacer. Non, vraiment remplacer tout ça et donner aux citoyens la place de souverain qu'ils méritent. Et à chaque citoyen, peu importe son niveau intellectuel, son métier, son origine sociale, ethnique, etc., à tout le monde, qu'une voix soit valable pour chacun, qu'on soit riche ou puissant, riche ou pauvre. Donc c'est très important et on est très content que ça vienne dans le débat, mais attention, il faut vraiment qu'on ait la main sur ces quatre aspects: abrogatoire, constituant, législatif et révocatoire. Pour que les citoyens puissent avoir vraiment la main sur leur destin et que la France puisse être dirigée par les Français. En effet, et comme ça je l'avais appris la semaine dernière avec vous, il y a des petites urnes pour dire si oui ou non dans le coin on est pour le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. C'est toujours d'actualité? Oui. De quoi vous parlez de... Oui, bien sûr. Avec la destruction de la cabane, j'ai dû évacuer les urnes. Mais c'est toujours d'actualité et on réfléchit à une action un peu plus impactante et un peu plus globale. Donc c'est dans les tuyaux, comme je vous disais, on se structure doucement. Et nos porte-parole, on les appelle plus maintenant des coordinateurs. Donc ils permettent de remonter les informations, de coordonner le mouvement Gilets jaunes à plus grande échelle. Donc voilà, même si beaucoup de gens, on est venu à moins, beaucoup de gens pensent que le mouvement est en perte de vitesse, au contraire, on est juste en mutation et on se prépare pour arriver plus fort, parce que de toute façon, comme je disais, s'il n'y a pas un changement fondamental, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ça va faire la guerre civile. Ça va être difficile à gérer après. Difficile à gérer, je l'espère pas trop, pour vous, du moins qu'il en soit pour vous. Mais je rappelle aux auditeurs que, en tout cas, les Gilets jaunes de Saint-Etienne et Rémiremont ne feront pas de trêve pour les fêtes de fin d'année. Vous serez aussi dehors à continuer à manifester. Adrien, la parole est à toi. Ouais. Je tiens à remercier encore et une fois, à chaque fois que je viens, toutes les personnes qui nous ramènent du bois, de la nourriture, du café, leur générosité. Voilà, venez juste 5 minutes boire un café, ça vous coûte rien. Vous êtes les bienvenus. Juste du temps, mais bon, ça vous fera, on vous pourra parler, avoir vos points de vue, vos réactions, et on pourra peut-être avancer aussi plus vite avec vous, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est pour tout le monde, donc tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'est comme on disait la dernière fois, c'est un mouvement fraternel, donc on a plus un, plus un, plus un égale beaucoup. Ouais, voilà. Et surtout, chacun a droit à avoir voix au chapitre, à pouvoir exprimer son opinion, qu'il soit pour, contre, justement. C'est la fameuse phrase de Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Donc nous, c'est un peu cette philosophie-là qu'on a sur les camps aussi. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, venez discuter, boire un café, et puis vous renseignez un peu, oui. Vous renseignez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop le référendum d'initiative. Et puis même, il y a beaucoup de personnes qui... pose des questions, pourquoi on est toujours là, quoi, à quoi ça sert, quoi. Donc il y en a, ils comprennent pas encore. Là je parle avec des gens, quand j'étais dans un magasin, ils disaient les produits de première nécessité, ce serait bien au moins qu'il y ait pas, la TVA soit bien baissée, et que sur les produits de luxe elle soit augmentée, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter des produits de luxe, la bouffe, les pâtes, le riz, tout ça c'est vital, quoi. C'est... Ou du moins ça, vous êtes pas trop concerné, mais moi je le dis en tant que femme aussi, s'il y a parmi les produits de nécessité dont la TVA doit baisser, ce sont les protections hygiéniques pour femmes, forcément. On est bien d'accord. On n'a pas le choix d'avoir nos règles, autant le dire très clairement, et c'est toujours aberrant que la TVA n'ait pas baissé à ce niveau-là, mais là c'est la femme qui parle. Plus qu'une TVA qu'il faudrait enlever, ce serait presque... vraiment une aide concrète face à ça, puisque c'est quelque chose de naturel que les femmes sont obligées d'avoir. Ça devrait être remboursé comme plein d'autres choses sont remboursées aussi. Je crois les préservatifs commencent à être remboursés. Préservatifs et pas les serviettes hygiéniques, quoi. Les préservatifs, ça coûte cher aussi, quoi. C'est con à dire, mais on nous fait une des pubs, des choses comme ça pour dire faut se protéger, mais bon, le petit jeune de 17 ans qui veulent pas le dire à ses parents, il fait comment pour en acheter? Voilà. De plus en plus. Après, c'est parce qu'il y a des qualités aussi, etc. Mais bon, c'est une autre question. C'est une autre question, mais c'est vrai que... Je voulais juste revenir sur les petites actions qu'il y a eu avant, les ronds-points, tout ça, on fait plus tout ça. S'il y a attaque économique, il faut bien que tout le monde comprenne que c'est contre l'État et pas contre le citoyen. Alors ça peut prendre un peu de temps avant que le gouvernement et les médias arrêtent de faire la sourde oreille. Le RIC signifie tout simplement leur perte de pouvoir. Donc ils veulent à tout prix le garder sous silence. Nous les exaspérerons par nos actes. Ça durera le temps que ça durera, mais on lâchera rien. Voilà. Je voulais dire ça aussi, que on s'en prend aux caisses de l'État et non embêter le citoyen. Tout ça, c'était avant, c'était normal, c'était une manifestation spontanée, un coup de gueule spontané qui a duré quelques semaines. Je vous l'accorde, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on n'est pas là pour embêter qui que ce soit, même les commerçants, les commerces de proximité. On s'attaque tout simplement et directement aux caisses de l'État. Je peux parler des autoroutes et d'autres choses encore. Voilà, des opérations péage gratuit, est-ce qui va avec, hein. Les radars aussi. Les radars. Là, ça impacte directement l'État. Les radars, non, c'est même pas l'État. Les péages, les parkings, les radars. Les radars, c'est pas l'État, c'est une société à côté qui s'en occupe. Oui, c'est une société, mais je veux dire les finances, c'est pour l'État. Oui, ça retombe dans la poche, en partie, je pense, de l'État. Voilà. Mais oui, en effet, c'est comme on disait, on est en mutation. Hervé nous l'avait rappelé la dernière fois. On est un mouvement très jeune. Hein, ça a été très très jeune et très spontané. On a fêté notre mois anniversaire il y a deux jours, il me semble. Oui, en effet, le 17 donc, décembre. Oui, un mois, c'est très jeune. Donc on est des nouveau-nés. On prend notre temps. Ouais, c'est ça. On prend notre temps et surtout, on commence à se structurer tous autour de ce référendum parce que on pense que c'est la bonne issue, que c'est la solution à pas mal de problèmes. Si on veut augmenter le SMIC, on peut le faire par le législatif. Si on veut faire partir Monsieur Macron, on peut le faire par le révocatoire. Si on veut changer la Constitution, les institutions, on peut le faire par le constituant. Donc ça nous donne vraiment toutes les clés pour que nous-mêmes, on puisse décider de notre destin. Être maître de notre destin. Pour établir en fait une vraie démocratie. Voilà. Tout simplement. Le plus simplement du monde, oui. Pour construire, pour être acteur en fait de l'avenir, tout c'est simplement. Ça, oui. Voilà. Et plus être demandeur et attendre que ce soit les autres qui fassent. Là, et pour le futur de nos enfants, de nos petits-enfants et absolument. Tout ça. Quoi. Et même de nos retraités, parce qu'ils ont quand même se battu pour nous avant. Ah, oui. On ne parle pas des morts qu'il y a eu aussi en amont. Oui. En mai 68, tout ça. Quoi. Oh, mais même dans la guerre. Avant, un petit peu avant aussi. Mais c'est vrai, nos anciens, je pense que c'est pour ça que vous dites que le mouvement est protéiforme et qu'il y a des gens de classe plutôt moyenne, aisée, entre guillemets, qui viennent aussi. C'est aussi en solidarité à leurs anciens qui, eux, ils voient que leurs parents, les amis de leurs parents ou de leurs grands-parents, etc., ont travaillé toute leur vie très dur et se retrouvent à être, entre guillemets, les dindons de la farce puisqu'ils disent pas grand-chose, ils ont pas d'impact, ils peuvent pas trop manifester, enfin... Comment dire C'est pas qu'ils peuvent pas. C'est plus difficile pour eux. Voilà. Donc c'est des victimes faciles. C'est des entre guillemets. Je parle en tant que je me fais l'avocat du diable. Hein, c'est des pigeons parfaits pour le gouvernement, pour les plumer, parce qu'ils vont rien dire, parce que voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui défendent nos anciens, qui ont tout donné et qui nous ont donné vie aussi au final aussi. Si oui, comme quoi notre mouvement se limite pas. Ne se limite pas aux revendications. Ça englobe toute la population, voilà, quoi. Voilà. Du plus jeune au moins jeune, quoi. Et c'est pas seulement pour le RIC, c'est pas, enfin notre combat, c'est pas forcément pour la baisse des taxes. C'est le RIC en premier, et ensuite on s'occupe de tout. Il y aura juste à se laisser faire et à faire confiance à l'intelligence collective, peuple. Oui. Voilà. Mm-hmm. Absolument. Et même ceux qui sont pas forcément intégrés aux Gilets jaunes ou qui veulent pas y être directement, faut surtout savoir que. Ce que l'on consomme, c'est aussi notre moyen de voter pour le monde dans lequel on veut vivre. Et avec les blocages, beaucoup ont critiqué le mouvement des Gilets jaunes par rapport au petit commerce. Mais avant de critiquer par rapport au petit commerce, il faut que les gens se rendent compte qu'il faut aller dans ces petits commerces plutôt que dans les grandes distributions, plutôt que d'acheter chinois. Puisqu'en achetant chinois, on pollue à mort, puisqu'il faut les importer dans des énormes conteneurs. Oui. Donc, notre consommation impacte notre vie et impacte toutes les choses qui sont autour de nous, et même ce qu'on ne voit pas. Il faut acheter français et local, aller voir les petits producteurs locaux, il y en a plein dans les coins, il faut juste se renseigner. Oui. Surtout dans les Vosges où il y a plein d'exploitations agricoles. J'en connais quand même un rayon, parce que je suis dans le coin, le milieu, et c'est vrai qu'il y en a, ils proposent des yaourts, du lait, du beurre, de la glace, de tout, quoi. Avec des conservateurs naturels. Oui, vous dénoncez même carrément tout un mode de pensée, toute une structure sociale qui n'a plus de raison d'être, carrément. On a été formaté. Obsolète. Oui, c'est ça. En effet, ça peut être le sujet d'une autre émission, ça peut être tout sujet ça, ouais. pour un autre moment, un autre moyen de vivre, surtout dans nos zones rurales. Si ça change pas, c'est simple, hein, si on n'obtient pas ce fameux référendum, on sera obligé de toute manière ça va prendre plus de temps pour les plus aisés, mais on sera obligé de repenser différemment, de vivre autrement, d'être un peu plus dans le partage, dans l'économie. Moi, je vois des jeunes qui ont des choses extraordinaires. J'ai parlé avec un collègue gilet jeune qui a 19 ans, il a des idées plein la tête, il arrive à se débrouiller et c'est pas malheureusement ce que nous vend dans les écoles et dans toutes les institutions. Voilà. C'est sûr qu'on va être obligé de changer notre mode de pensée et notre mode de consommation surtout, je le répète. De vie, oui. Bah la dernière fois que j'ai fait l'émission, j'ai dit dans l'éducation nationale, en fait on est formaté à que les jeunes font un bac. L'apprentissage, c'est mal vu. En gros, c'est faire des intellectuels. Vaut mieux être un bon manuel qu'un mauvais intellectuel. Absolument. C'est vrai. En effet, et je propose d'ailleurs à vous et aux auditeurs une lecture que j'ai peut-être pas encore terminée, mais un livre très intéressant qui s'intitule « La fabrique du crétin » de Jean-Paul Brighelli, qui est sur ça résume bien l'idée, oui. Voilà. Donc ouverture sur une lecture et un mode de pensée, ouverture sur d'autres thèmes à aborder pour une autre fois, mais en effet ce qui ressort c'est que vous englobez quand même plus que simplement l'aspect financier de tout un chacun, mais bien au-delà et surtout l'avenir parce que comme et l'environnement parce que la planète a besoin de nous. Il y a plein de défis à relever et il faut qu'on soit enthousiaste et qu'on peut les relever, mais faut qu'on soit tous ensemble et qu'on prenne les décisions tous ensemble. Et voilà, ça va. On a hâte que la conscience collective s'éveille au maximum. Voilà. S'éveille et ne soit plus spectatrice de sa vie, mais actrice. Conscient de la réalité. Individualiste aussi. Ouais. Et c'est sur cette note qu'on va malheureusement devoir s'arrêter vu que, et oui, une heure est déjà passée de plus de 11 minutes même. Mais avant de se dire au revoir et de dire les dernières informations nécessaires, c'est le moment, comme d'habitude, de la programmation de la soirée. Alors, dès 20h, on retrouvera une émission musicale Nothing But The Blues. Puis à 21h, ce sera Vivre et Créer la Montagne avec Vincent. Puis musique jusqu'à demain matin, 7h, 8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre site internet radioguimozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Guimozo, et voilà, comme la dernière fois, les sources qui me seront envoyées, que j'aurai sous la patte, seront indiquées avec le podcast, tant sur Facebook que le site internet. Demain, ce sera jeudi, on retrouvera dès 8h Michel pour sa chronique, et enfin Marion pour sa matinale, qui vous racontera le programme de la journée de demain. J-2. Eh oui. On se retrouvera demain soir, jeudi, à 18h avec Jean-Nicolas Mathieu, musicien pour Delphine se défile et la compagnie L'Aéronef, entre autres, pour voir un petit peu tout ce qu'il fait. Enfin voilà, émission assez conviviale avec un artiste. C'est aussi, je le rappelle, la dernière, entre guillemets, ou avant-dernière heure des loups. Mais pour ça, rendez-vous vendredi pour la dernière spéciale. Et si vous voulez faire cette émission conviviale avec moi, n'hésitez pas à passer vendredi soir à 18h dans nos locaux ou à discuter avec moi sur la page Facebook ou par téléphone. Hein, pour une fois, depuis plusieurs mois, je serai en direct le vendredi soir. Toujours avec les gilets jaunes, Tiff, Thomas, Adrien et Yann. Là, on a vraiment continué à parler de comment se sont passées les dernières manifestations, de comment ça avance avec le référendum d'initiative citoyenne et comment c'est en train de se structurer et d'avancer. Et surtout, qu'il n'y aura pas de trêve pour les fêtes de fin d'année. Question que tout le monde se pose. Quitte à être là dans 3 mois, on est toujours dehors. On a vraiment rassemblé, je pense, on a déjà bien résumé le mouvement, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps nous manque. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller les voir au rond-point à côté du Leclerc Saint-Étienne, ça leur fera vous toujours plaisir. Voilà, et vous pourrez petit aussi café. Leur poser des questions que je n'aurais pas pensé à poser. Dans tous les cas, les garçons, je disais Thomas, Tiff, Adrien et Yann, merci beaucoup pour votre présence, pour votre réponse et votre bienveillance. Merci à vous de nous avoir reçus. Et aussi merci d'être venus. Merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi l'émission en entier. On se retrouve demain 18h sur le 107. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.